Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à celui qui chagrine nos vies en cette journée de rage et de pluie. Origo, si tu m'entends là-haut, ton entourage m'a dit de lire le message que voici. Ils espèrent tous revoir ton visage d'ici peu, et ils te souhaitent un bon voyage vers le plus haut ciel. Alors que ton âme repose en paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pendant ce temps, à milieu d'ici, à l'entrée du paradis. What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça, man? J'ai rendu où, moi, là, là? J'ai-tu pas une idée d'où c'est qu'ils sortent, tout ce monde-là? Hey, là, y'a un problème quelque part, là. Monsieur Chevrier, alias Sorigo, pour se présenter à l'entrée principale. Entrée principale? Ah, ça doit être là, là. Christ, t'as-tu vu la grosseur de la porte? Bureau de Dieu? Entre, Rigo. Oh, c'est quoi, là? Allô? Est-ce quelqu'un? Viens vers moi, mon fils. Mais qu'est-ce que c'est, mon fils? De quoi qu'il parle, lui? Oh my God! Es-tu vraiment un dieu? Mais des cieux, mais de ceux qu'on a voit en eux, que nous garderons tout comme moi, en somme, je crois. Mais là, ça m'assomme devant toi, le roi de l'univers. L'être lumière, assimilable à une blancheur d'esprit, semblable à l'oie sunaire, ainsi qu'une chaleur de vie. Comme Rabala solaire, le fondateur de cette ère bipolaire. L'unique personnage, mystère au caractère, sans rage ni colère, qui m'a l'air d'un sage, qui tolère les erreurs des hommes corrompus. Le Seigneur pardonne les âmes résolues, mais là je suis confus, perdu et je comprends plus. Car si t'es disparu de la surface de la terre depuis des millénaires, dis-moi qu'est-ce que le cul de Rigo aurait à faire assis dans un bureau, à faire un mini show en face du Saint-Père, Saint-Père. Et oui, vraiment c'est bien moi. Mais t'exagères, et tu m'exaspères avec tes compliments. Car pour être sincère, je suis considérablement plus sûr que j'en ai l'air. Mais pourquoi tu me dis ça? Écoute bien, je t'explique. Si t'es assis ici, c'est dû à une mort subite, causée par le festin illicite d'un sarrasin en civique qui a vite fait mettre fin à ta vie catholique de manière tragique, tout comme un clandestin sous la bannière d'un destin dramatique, laissant derrière toi en émoi une femme en grossesse d'un enfant naissant dans un mois, qui ne pourra voir son père, plus une mère plongée en plein état de déboire. Critique, je sais que c'est dur à croire, mais véridique, une autre histoire nostalgique pour te voir finir en homme angélique. Quoi? Hey wow, là si t'es d'accord, prends un répit. Quand j'suis en désaccord avec ton récit, c'est soit que t'as tort, j't'ai mal compris. Donc répète ce que t'as dit, sans me dire que j'suis mort, j't'en prie. Au pire, fais un effort dans tes menteries pour pas que j'éprouve du mépris. Parce que j'peux te prouver que j'suis couché dans le confort de mon lit, en train de rêver, puis j'ai juste à me pincer pour me réveiller. Aïe aïe donc, tabarnak. T'inquiète pas mon gars, tu viens juste d'arriver, c'est normal de paranoïer. Mais je promets que le choc finira par passer. Hey là, Chris, tu dois être sourd. Parce que je viens te dire, je te crois pas. Je suis sûr c'est un canular, c'est qu'il m'entend derrière tout ça. Mais le quoi tu parles? Je parle du gars qui a payé le décor puis les caméras. Mais là, excuse-moi, car je comprends vraiment pas. Ah mais fuck it, moi je crisse mon camp droit du set. J'en ai marre de la bullshit, de ce cauchemar diabolique. Il faut que je charge la tourne sur le site pour qu'on couronne Origo. Champion des pop, frango, point comme ensemble, t'as d'argent, gentil homme, mais je dois te quitter.